Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous nous captez. Merci d'être nombreux à l'écoute de la radio-télévision Isanganiro. C'est le moment de suivre l'émission Mosaïque. Le débat d'aujourd'hui porte sur la détérioration des conditions de vie des travailleurs qui font face aujourd'hui à la vie chère et faisant une suite à la flambée des prix des produits de première nécessité. Selon les rapports de la Banque mondiale, la pauvreté urbaine qui affectait environ 6% de la population en 1990 a grimpé à 15% en 2023. Ce seuil, basé sur des revenus inférieurs à 10 dollars par jour, reflète l'impact de l'augmentation des prix et de la baisse des revenus réels. De plus, avec 87% de la population burundaise vivant avec moins de 1,9 dollars par jour, le Burundi se classe parmi les pays les plus pauvres au monde, avec un PIB par habitant de seulement 245,8 dollars en 2023, selon la Banque mondiale. Vers la fin du mois de décembre 2024, les confédérations syndicales COSIBU et CSB ont porté à la connaissance du public la question essentielle concernant la situation de la vie actuelle des travailleurs. Dans une déclaration rendue publique, ces confédérations ont précisé que le panier de la ménagère d'un Burundais de niveau moyen d'une famille moyenne de 6 personnes, c'est-à-dire père, mère et 4 enfants, est de 2 895 000 Denomfrancs francs par mois. C'est au moment où ces confédérations trouvent que peu de Burundais touchent un salaire de plus de 2 millions par mois. Plus d'un se demande comment vivent les Burundais en général et les travailleurs en particulier dans la mesure où ils ne peuvent plus satisfaire leurs besoins fondamentaux. Est-ce que les salaires que les travailleurs touchent mensuellement parviennent à joindre les deux bouts du mois? Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour que ses fonctionnaires aient un léger mieux? Est-ce que les Burundais peuvent espérer l'amélioration des conditions de vie? Voilà certaines questions qui vont nous guider au cours de ce débat qui a vu la participation de Patrice Magnus Nyandwi, porte-parole du ministère de la fonction publique. Bienvenue dans Mosaïque. Et merci beaucoup. Nous sommes avec Célestin Savimana, président de la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU. Merci à vous aussi d'être venu dans Mosaïque. Merci aussi de nous avoir invités. Je suis également avec Noé Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole de l'Association des consommateurs du Burundi, ABUKO. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, je vous salue et je salue encore ceux qui suivent cette émission. Merci. Merci à vous. À la cabine technique, je suis avec Eric Ouimana et Jérôme Ndaïchimiye à la réalisation de ce débat. C'est Médard Niyonguru et à l'animation, vous êtes avec Evariste Ndikobananga. Rebonjour et bienvenue. Mosaïque. Entrons donc dans le vif de notre débat mosaïque avec la première question à l'endroit du ministère de la fonction publique. Patrice Magnus, si vous êtes le porte-parole de ce ministère, est-ce qu'aujourd'hui le salaire du fonctionnaire de l'État peut l'aider à joindre les deux bouts du mois? Non, le salaire du fonctionnaire de l'État ne peut pas l'aider à joindre les deux bouts du mois, mais c'est une base fondamentale sur laquelle il y a moyen de partir pour arriver quelque part. Merci. Mais comment arriver quelque part? Comme son Excellence le Président de la République nous l'a conseillé à maintes reprises, nous savons que le fonctionnaire de l'État, lorsqu'il termine son travail à 15h30, il va rentrer à la maison et comme c'est un intellectuel avéré, il va savoir comment s'organiser afin quand même d'essayer de soutenir son salaire et ainsi subvenir à ses besoins au quotidien. C'est-à-dire que le fonctionnaire de l'État, il va vaquer à d'autres activités génératrices de revenus. Où est-ce qu'il va tirer le capital? Le capital, ce n'est pas toujours matériel, mais le capital, il peut aussi être le raisonnement, il peut être l'intelligence, il peut être l'exploitation de ses talents innés, ses talents naturels. Parmi les activités génératrices de revenus, il y a l'agriculture, il y a le commerce, il y a le transport. Est-ce que son fonctionnaire moyen de l'État, il est permis de faire tout ça? Oui, le fonctionnaire de l'État, il est autorisé à faire le transport. Oui, il peut, mais certains fonctionnaires, à un certain niveau, à un certain titre, par exemple, les hauts cadres n'ont pas cette latitude, n'ont pas cette autorisation. Mais les autres, ils ont ce pouvoir, ils ne sont pas limités par la loi. Mais il y a d'autres qui vaquent aux activités génératrices de grosses sommes d'argent, alors qu'ils devraient d'abord s'atteler aux travaux, au travail du gouvernement. Ici, je dis, et les hauts cadres. Moi, je ne veux pas vraiment commenter sur ce que feraient certains hauts cadres, surtout que je n'ai pas honnêtement d'exemple parlant. Je l'entends comme les autres. Peut-être que des fois, ce n'est pas exposé à ciel ouvert, je n'en sais rien. Mais moi, je parle d'un fonctionnaire moyen qui est autorisé, lorsque la loi ne l'a pas limité, à s'organiser lui-même afin quand même d'essayer d'appuyer son salaire qui, comme tout le monde le sait, est manifestement insuffisant. Mais comme je l'avais dit tantôt, peut-être une base, le pilier sur lequel quand même il peut rouler pour arriver où il voudrait arriver, si au moins il en a cet effort de le faire. Merci. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, comment se porte le rendement productif du fonctionnaire de l'État, si en termes de pourcentage, si vous avez une information à nous faire, quel est le rendement productif du fonctionnaire de l'État? Honnêtement, je n'ai pas ce calcul sur moi et au risque de me tromper, je préfère de ne pas commenter. Mais le rendement est meilleur. Le rendement meilleur pour certains, très meilleur pour d'autres. Pour d'autres, un médiocre aussi pour certains, voilà. Oui, dans l'émission publique précédente, le chef de l'État a pointé du doigt certains fonctionnaires qui carottent, qui vont dans des bistrots pour étancher leur soif avant la fin des heures de travail, et d'autres qui vont dans des pâtisseries pour prendre du thé, des petits déjeuners. Est-ce qu'aujourd'hui, ce comportement a changé après cet appel? En ce que je sache, là où je suis, parce que moi je suis du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, je peux dire qu'il n'y a pas de signaux d'alarme. Je peux dire que présentement, il n'y a pas de signaux d'alarme. Mais je ne voudrais pas du tout dire qu'il ne serait pas un brebis égaré quelque part. Là, je crois que je m'enthuirais. Voilà. Sinon, comme Son Excellence le Président de la République l'a bien, bel et bien dit, c'est inadmissible qu'un fonctionnaire de l'État, c'est inadmissible qu'un cadre de l'État quitte son poste d'attache et puis à 9h, à 10h, il est quelque part dans des bistrots, dans des cafés, le temps où il devrait bosser. Non, ça, parce que ça va limiter la production. Et si la production est limitée, ça veut dire que même cette capacité de joindre les deux bouts du mois dont vous faisiez allusion, tantôt, on ne pourrait pas vraiment l'atteindre. Voilà. Oui, je suis autour de ce plateau avec Noël Ngurunziza. Vous êtes secrétaire général et porte-parole de l'ABUCO, l'Association burundaise des consommateurs. C'est la même question. Comment est la vie du citoyen burundais aujourd'hui? Est-ce que le salaire des fonctionnaires de l'État peut l'aider à joindre les deux bouts du mot? Peut-être que je vais enfoncer le clou. Il a bien dit, le porte-parole du ministère du Travail et de l'Emploi, c'est que le salaire est insuffisant, il a bien précisé. Et conséquemment aussi, la situation du consommateur n'est pas au beau fixe aujourd'hui. Et je pense que c'est une réalité qui est connue, qui est criante. La situation qui se trouve aujourd'hui sur le marché des biens, des denrées de première nécessité dont le consommateur a besoin, les prix ont suffisamment, sinon exagérément, monté, grimpé, si bien qu'on ne pourrait pas dire que le consommateur aujourd'hui est au beau fixe. Oui. Oui, donc le porte-parole du ministère, il a dit vrai. Hein. Peut-être qu'il va nous dire vers la fin de l'émission ce que le gouvernement compte faire. À son point, je pense que vraiment, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il est mieux placé d'ailleurs pour dire que le salaire n'est pas suffisant pour faire vivre un fonctionnaire moyen. Et comme d'ailleurs l'a montré les statistiques produites par la Confédération syndicale. Ouais. Oui. Merci beaucoup. Je suis avec Célestin Savzimana, président de la COSIBU, Confédération des syndicats du Burundi. Et c'est la même question. Est-ce qu'aujourd'hui le salaire est suffisant? Comment est la vie du citoyen burundais aujourd'hui? Merci. Je pense qu'on nous aura déjà démontré que ce salaire n'est pas suffisant. Nous avons fait un tableau du panier de la ménagère. Vous l'avez même évoqué dans votre mot d'introduction. Donc, un minimum vital d'un fonctionnaire moyen et avec sa famille qui devait être de 2 895 000. Je pense que M. le porte-parole du ministère connaît bien, il n'y a pas de fonctionnaire, je pense, qui touche ça. Même s'il y en a, ça serait des exceptions. Même les hauts cadres qui ne peuvent même pas faire du commerce, comme il le dit, c'est la loi, ne peuvent pas atteindre le montant de son salaire. Alors, globalement, le fonctionnaire, il vit mal, puisqu'il ne peut pas joindre les bouts du mois. Je ne vais pas m'aventurer dans les solutions que propose M. le porte-parole, puisque parfois on risque de verser dans le simplisme. Oui. D'état de l'épidémie du sida, il y a des fonctionnaires qui s'amusaient à appeler le salaire sida, salaire insuffisant, difficilement acquis. Donc le même acronyme. Je risque d'être comme ces fonctionnaires qu'il y a une trentaine d'années où l'épidémie du sida faisait rage, qui faisait la comparaison de leur salaire au sida. Ça, c'est une autre. Mais actuellement, au vu de la flambée des prix, les prix sont hors contrôle. Au vu des pénuries, nous oublions le carburant. Donc, il y a qui entre dans beaucoup, le transport entre dans la fixation des prix. Il y a le manque de devises. Il y a tout ça. Alors, tout ça influe sur les salaires qui doivent être donnés, puisque les salaires sont donnés suivant les recettes de l'État. Si l'économie se porte mal, les recettes de l'État sont très affectées. Je m'en arrêterai là, le tableau qu'on a fait est très éloquent. Peut-être qu'on pourrait le donner au porte-parole du ministère pour s'en inspirer. Oui, peut-être que la population qui vous écoute a besoin de tout ce détail. Est-ce que vous pouvez... Je peux détailler. Oui. Peut-être mes collègues peuvent m'arrêter s'ils voient qu'il faut me corriger. Oui, même faire un commentaire. Oui, en faire un commentaire. Nous avons pris une famille moyenne de 6 personnes. C'est monsieur et madame et 4 enfants. On va laisser de côté des travailleurs domestiques, la bonne qui garde les 2 bébés. Et le cuisinier qui cuisine pour la famille. Alors, nous avons estimé que la ratio alimentaire minimum pour les 8 personnes, donc nous avons mis les 2 travailleurs domestiques, c'est 40 000 francs par jour. Je pense que c'est correct. Alors, les 3 enfants, un enfant qui est déjà grand, l'autre le frappe pour ne pas prendre d'îlets. Mais les 3 demandent d'îlets chaque fois. Donc, c'est 1 800 par jour. Alors, il y a madame et monsieur qui vont au service, se déplacent. Ils habitent Kanyosh ou Kameng. Déplacement, 5 000 francs par jour. Ouvrable, il y a 24 ou 25 jours. Bon, nous avons besoin à la maison un peu de savon, dentifrice, produits d'hygiène. Madame met un peu d'eau. Une pommade de beauté, je ne sais pas, ça prend 150 000 francs par mois. Alors, il y a les frais scolaires pour les enfants. Même s'ils sont dans le public, il y a des frais scolaires qu'il faut débourser. Ça fait 210 000 francs. Il y a le matériel aussi scolaire. Donc, pour les 3 enfants qui sont à l'école, ça fait 50 000 francs. Alors, Oh, les mineurs, tant bien que mal, les deux travailleurs domestiques qui sont toujours dans des revendications, 60 000 francs chaque, c'est trop. Ils sont dans des revendications tout le temps que c'est peu. Donc les deux, c'est ça, 20 000 francs. Alors, les enfants, les quatre, sont à l'école. Il y a un petit bus scolaire qui exige 1 500 francs par enfant par jour. Alors, on a estimé les 24 jours du mois, ça 44 000 francs. Il y a les cotisations aux associations, puisque le couple s'est indiqué ou est dans des associations de développement communal ou je ne sais pas. Communautaire, ils sont membres d'un parti ou je ne sais pas. Alors, on les prend 20 000 francs de cotisation chaque mois. Il y a l'eau et l'électricité. Donc, pour un ménage moyen, 27 000 francs, c'est même peu, ils doivent se garder de trop consommer. Alors, il y a le loyer. Alors, le locataire, ils habitaient à Cagnoche dans une maisonnette de 300 000. Ils viennent de recevoir une lettre du locataire qui vient de doubler le loyer, 600 000 francs. Mm-hmm. Il y a l'entretien de la parcelle. Il y a les camions de la mairie, des camions qui sont, je ne sais pas, loués par la mairie, des sociétés pour la collecte des déchets. Ils demandent 20 000 francs. Mm-hmm. Alors voilà, nous avons additionné tout ça, je pense que c'est le minimum, et nous sommes tombés à 2 895 000 francs. Mm-hmm. Voilà, je ne sais pas si mes collègues peuvent me contredire, mais c'est le minimum. Le couple n'a même pas bu. Enfanta ni de l'eau minérale ici. Le couple n'a même pas mangé à midi au service. Le couple même ne s'est même pas rendu dans le bistrot. Il n'y a rien. C'est le minimum vital. Heureusement que sur moi, là, il n'y a pas eu de malade. Voilà, je m'en arrête. Et je pense que Patrice peut dire quelque chose. Ne va pas dire que vous avez, pas vraiment vous me avez exagéré. Vous venez d'entendre une investigation qui a été menée par la Confédération syndicale CSP Cossibou. Qu'est-ce que vous en dites? Le fonctionnaire moyen par mois, il doit consommer 2 895 000. Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, je pense que cette considération est vraiment excessive. Mm-hmm. Honnêtement, ce n'est pas le cas. Mm. Parce que moi, j'ai aussi des enfants. Je vis ici, à Bujumbura. Je ne crois pas que je vis avec 2 895 000 francs bou. Et je pense que je ne fais pas partie de ces personnes qui sont les plus malheureuse, mais je ne vis pas vraiment avec ce montant. Il est colossal. Ce montant est vraiment exorbitant. Mm-hmm. En tout état de cause, ce n'est pas ce montant qui m'intéresse, moi, dans ce débat. Plutôt, ce qui m'intéresse est que je comprends, noir sur blanc, que le salaire est du fonctionnaire de l'État. Le fonctionnaire moyen n'est pas suffisant. Là, je ne veux pas vraiment en discuter, pas du tout. Néanmoins, je me dis, comme je l'avais dit tantôt, que le salaire pourrait être le pilier, l'axe sur lequel un fonctionnaire peut tourner pour s'organiser autrement afin de tenter de subvenir à ses besoins. C'est juste ma position. Justement, ça, ce n'est pas le salaire. C'est une consommation mensuelle. Il y a les découvertes, il y a d'autres choses. Je ne sais pas si vous voulez que je réponde, par exemple, comment un fonctionnaire devrait s'organiser alors qu'on a toujours dit il y a des fonctionnaires qui ont des lapins. Je sais que certains vont en rigoler parce que j'ai entendu parler. Il y a des fonctionnaires qui ont deux poules pondeuses à la maison. Mais ce n'est pas tout le monde. Et je sais qu'il y a ceux qui vont rigoler. Il y a d'autres qui ont de petites boutiques. Je sais qu'il y a d'autres qui s'organisent avec des activités champêtres qui ont pris, par exemple, un tout petit crédit, qui ont acheté un champ quelque part, qui ont mis quelques 10 à 15 avocatiers. Et qui en tire honnêtement de revenus passifs pas tellement négligeables et consorts. Donc, le fonctionnaire de l'État, il doit tenter de s'articuler, il doit tenter de s'accommoder aux conditions, aux circonstances. Il y a monsieur le président de la Confédération des syndicats du Burundi nous disait qu'il y a plus de 30 ans, les fonctionnaires disaient que le salaire était le sida. Il y a plus de 30 ans. Je n'ai jamais entendu ça, moi. Peut-être que je n'étais pas en cette capitale, et c'est correct, mais quand même, lui, il a entendu. Si alors un fonctionnaire de l'État ne devrait pas changer d'esprit, et que depuis plus de 30 ans, il vivait ainsi, ça serait un peu malheureux. Non, je sais que ce n'est pas aussi aisé que ça. Oui, je suis d'accord, mais quand même, à la guerre, comme à la guerre, nous devons affronter. Hein? C'est la vie. C'est juste ma position. Mm-hmm. Et affronter, c'est être proactif et non réactif. Nous devons être honnêtement proactifs et nous défaire. Et c'est à jamais de cette tendance réactive. Mmh. Voilà. Donc, au sein du ministère de la fonction publique, il n'y a pas d'études qui sont recommandées pour constater comment est la vie du fonctionnaire aujourd'hui. Au niveau du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, d'ailleurs, au niveau de l'État, du gouvernement burundais, on connaît que quand même, il y a quelque chose qui doit être revu. C'est ainsi que l'État, par exemple, a tenté cette nouvelle politique salariale équitable. C'était vraiment dans ce processus. La nouvelle politique salariale équitable est venue tenter de redresser un tout petit peu l'avenir du fonctionnaire, au moins pour qu'il y ait une certaine justice sociale. Comme ce n'est pas suffisant et que ça, c'est une étape, voilà que présentement, le président de la République, dans l'émission publique du 27 décembre, il a dit quoi? Il a dit que aussi le ministère du Commerce devrait étudier comment tenter de réguler les prix pour que quand même la flambée ne reste pas toujours non justifiée. Et comme toute la population burundaise en profiterait, et que le fonctionnaire de l'État fait aussi partie de cette population, il en profiterait aussi. Donc je pense que l'État, on ne peut pas dire que l'État ne fait rien. Nous savons tous, par exemple, que le président de la République a dit à maintes reprises, moi je l'ai écouté dans ses discours, que par exemple les intérêts que demandaient les banques étaient exorbitants et qu'il fallait au moins réduire les intérêts pour que quand même ceux qui ont des projets, ceux qui voudraient par exemple entreprendre aient des crédits de manière simplifiée par exemple. Donc, dire que l'État ne fait rien, non, ça ne serait pas du tout correct. L'État, plutôt, comme un bon parent, fait tout à son mieux pour tenter de relever la vie de la population, la vie des fonctionnaires, mais bien sûr, les défis ne manquent pas. Les défis qui sont surtout liés à l'économie burundaise, qui sont aussi lié au niveau de la production. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont interdépendants. Merci. Mais la somme, là, est-ce que le rapport, là, est raisonnable? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui est vrai? La rubrique... Non, moi, je voudrais un peu commenter, par exemple, certaines choses. Si vous me dites que la ration alimentaire d'un fonctionnaire est de 1 200 000 francs pour une personne. Non, la famille, une famille de 6 personnes. Domestique, les deux domestiques mangent à la maison. Ça fait 8. Je suis en train de me demander, par exemple, si cette mentalité de parler de deux domestiques, des domestiques, n'était pas à bannir, et ce, à jamais. Monsieur le président de la Confédération syndicale a à maintes fois voyagé comme moi. Les gens évoluaient, développaient. Est-ce que vous les avez trouvés avec ses domestiques? C'est là où... Mais votre secrétaire va venir avec son bébé. C'est là où j'ai dit qu'il faut honnêtement un changement de mentalité. Si dans un pays indéveloppé, on n'a pas de domestique, alors que moi j'en ai deux. On continue. Si l'enfant doit avoir le lait de 7 800 par jour. Ils sont trois qui prennent le lait. Je me demande si mes enfants ne sont pas vraiment d'une croissance physique et intellectuelle suffisante. Ils ne prennent pas de lait les vôtres. Sans cette somme-là. Non, c'est... Je comprends honnêtement, je le reprends, je comprends que le salaire n'est pas suffisant, mais lorsque nous comptons, nous ne devons pas... vraisemblablement exagéré. Non, c'est ça. Ce sont les chiffres, monsieur. Si au moins, au moins vous aviez dit 1,5 million, au moins. Au moins. Il ne faudra pas plutôt me demander. Je vais vous donner 1,5 million. Nous sommes trois à la maison. Donc, j'ai aussi un domestique. Vous êtes les bienvenus. Bon, je sais que j'aurai un reliquat de quelqu'un. Donc, selon vous, les chiffres qui sont proposés là ne sont pas raisonnables. Non, ce ne sont pas raisonnables. Voilà. Mais ne me demandez pas le chiffre exact parce que moi, je n'ai pas pris le temps. Il faut prouver que ce n'est pas raisonnable. Mais je vous ai dit pourquoi ce n'est pas raisonnable. Mais comment? Mais bien, je vous ai dit par exemple. Votre secrétaire vient au bureau avec son bébé, n'a pas besoin d'une domestique. Donc votre secrétaire vient avec le bébé de 3 mois au dos. C'est ça que vous préférez? Non. Je sais que chaque personne sait comment... S'organiser. Oui. Alors, où est-ce que votre secrétaire est? Je ne voudrais pas lui imposer. Non, je pense qu'il faut être réaliste dans cette situation. Donc, vous demandez qu'il y ait changement de mentalité. Comment? Oui, je continue avec Noël Nkurunziza de la Boukou. Vous avez entendu les chiffres qui sont proposés par une enquête qui a été menée par les confédérations syndicales. Une famille, un fonctionnaire moyen qui a une famille de 6 personnes, plus les deux domestiques, le coût total mensuel est de 2 895 000. Qu'est-ce que vous en dites? C'est raisonnable, c'est pas raisonnable? Magnus tout à l'heure dit que c'est pas raisonnable. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai dit que ce n'est pas du tout. Il faudrait ajouter « dit tout raisonnable ». Mais vous n'avez pas prouvé ça par des chiffres. Il faudra que vous me laissiez aussi faire mon étude et puis dans l'autre émission. Merci beaucoup. Je peux donner mon point de vue. Je pense quand même qu'il faut être réaliste. Je n'ai même pas besoin peut-être d'entrer en détail par rapport à ce qui a été fait par la Confédération des syndicats. Il faut savoir que compte tenu de la situation, parce que ces relevés sont faits présentement dans la situation actuelle, et cette situation est comprise par tout le monde, il y a une flambée des prix. Et je pense qu'il n'y a rien d'exagéré. Mais ce qu'il faudrait plutôt ici donner comme solution, s'il fallait justement essayer de contribuer à ce que la situation change. Mais sinon, ça c'est la réalité. C'est la réalité, ce sont des prix qui sont vérifiables sur le marché. Mais je voudrais quand même réagir sur ce que disait M. le porte-parole du ministère de la fonction publique, parlant surtout sur le travail domestique. C'est vrai, ailleurs, ils n'en ont pas. Et d'ailleurs, je pars d'un exemple vécu personnellement. J'étais dans une famille où il y avait un visiteur qui quittait l'Europe. Ce n'était pas un Burundais, c'était de nationalité française d'ailleurs. Et quand elle a vu qu'on appelle domestique, la bonne, il a dit, vous dites que vous êtes pauvre, mais je ne comprends pas. Vous avez de travailleurs. Mais tout en discutant, il a fini par comprendre. Un, vous n'avez pas besoin de bonne, c'est parce qu'il y a des crèches, n'est-ce pas, des garderies. Ici, on n'en a pas. Et qui doit mettre en application ces crèches et ces garderies. Bon, c'est toute une politique du gouvernement. C'est toute une politique, mais aussi l'accessibilité à ces services. Ça va faire un autre coût et les syndicats vont ajouter ici. Le travailleur, le garçon qu'on appelle le boy, le cuisinier, et qui fait aussi d'autres travaux. Vous passez de lui, c'est parce que vous avez des ustensiles pour le lavage, du matériel pour la cuisson, qui rapidement le font. Et si vous aventurez à acheter, supposons que vous en avez, est-ce que vous en sortez avec l'égide des eaux? Donc c'est tout un environnement qui ne permet pas à ce que justement on puisse s'ajuster par rapport à ce que nous avions vu ailleurs. C'est-à-dire, théoriquement, effectivement, on peut critiquer, mais quand on va dans la pratique, c'est impossible. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau de la Boko, nous sommes d'accord avec ces prix, parce qu'ils sont tirés justement de l'état actuel. Oui. Mais ce que nous disons, il faut effectivement tout faire pour que la situation ne soit pas comme ça. Parce que celui qui n'aura pas les 2,895 millions ne va pas vivre, n'est-ce pas? Donc ce qui importe aujourd'hui, c'est justement d'apporter des contributions, des solutions pour que ces relevés des prix qui sont tirés de la réalité du marché ne soit pas toujours comme ça. Voilà. Et il y a Patrice Magnus qui dirait que les gens, ils vivent, peut-être que ce sont des endettements, les gens sont endettés des années, les gens vivent grâce aux découvertes là-bas. Je ne pense pas qu'il l'ait dit, parce que d'après lui, je m'excuse de le dire, d'après lui, tout va bien. Tout va bien, sauf le salaire qu'il a nuancé. Mais je pense que la situation actuelle, il faut que d'abord, on voit la situation de la même manière, et c'est dans ce sens-là où on pourra apporter des solutions. Mais si on commence à discuter d'une situation qui est réelle et criante, et dit, moi je vois que c'est beau, et l'autre dit c'est pire, et vous allez sur le terrain, vous trouvez justement que c'est pire, je pense qu'on aura des difficultés à trouver des solutions. Donc il faut d'abord qu'on voit la situation de la même manière, et comme ça, on va contribuer ensemble pour apporter des solutions. Il appelle à la mentalité, au changement de mentalité des Burundais. Bon, je pense, le dire comme ça, oui, c'est bon. Parce qu'il faut que les Burundais changent de mentalité. Mais, comme décideur, bon, peut-être lui, il a un certain niveau de décision, mais je pense que c'est un vocable qui doit avoir des mesures d'accompagnement. Parce que j'ai peut-être une bonne volonté de faire quelque chose comme ça, mais dans les services offerts, je suis bloqué. On parlait, il en a même dit, l'accessibilité au crédit, par exemple. Pour que, il a dit que le salaire est suffisant, mais que ce soit une base pour s'autopromouvoir, c'est vrai. Mais il faut que ce salaire soit de nature à être hypothéqué dans la banque pour qu'on puisse vous donner un crédit palpable qui puisse vous aider à réaliser quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas, je ne pense pas. C'est pour cela qu'il faut que je le dise, maintenant que j'ai l'occasion. Dans le temps, il y avait effectivement ce programme de pouvoir travailler avec les banques, leur demander à ce qu'ils puissent mettre en pratique des taux de faveur aux fonctionnaires, des taux de faveur aux agriculteurs, à certaines catégories de personnes qui sont impliquées directement dans la production. Et je pense qu'il faut y revenir pour trouver une solution à la situation actuelle, parce que cette situation de flambée de prix est due à la faible production rendue sur le marché et qui malheureusement affecte le consommateur qui a peu de moyens pour finalement subvenir à ses besoins. Mosaïque. À ceux qui viennent de tourner le bouton, je rappelle que vous tombez sur l'émission Mosaïque sur la vie chère avec comme invité Patrice Magnus Nyandwi, porte-parole du ministère de la fonction publique. Je suis également avec Célestin Savdimana, président de la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU. Je suis également avec Noël Ngurunziza, secrétaire général et porte-parole de l'Association des consommateurs du Burundi, ABUKU. Patrice Magnus Nyandwi, porte-parole du ministère de la fonction publique. Les prix des produits de première nécessité ne cessent de grimper. quelles conséquences sur les familles? Quel est l'avenir de ces familles? Toutefois qu'il y a flambé des prix et que les moyens pour subvenir aux besoins quotidiens n'ont pas augmenté, c'est tout à fait normal qu'il y ait un problème, parce que c'est la vie qui est presque en danger. Brièvement, c'est ça. Mmh. Avec comme conséquence, on voit des mendiants partout qui n'ont pas à faire. Il y a dans les familles trop de demandes d'appui financier. Oui, dans certaines mesures, mais oui. Ce qui m'intéresse personnellement, c'est la recherche des solutions. Mmh. Et la recherche des solutions pourrait être de deux côtés. D'abord, l'État. L'État, normalement, sa mission, qui est aussi régalienne, c'est de mettre les politiques qui facilitent aux gens de s'autopromouvoir, de se développer. Ce n'est pas l'État qui viendra développer les gens, mais quand même l'État établit les conditions qui permettront de le faire. Oui, l'État est porte-flambeau. Et puis aussi que, au finish, la population aussi, en premier lieu, le fonctionnaire de l'État, un intellectuel, sache aussi comment il devra marcher, comprendre une cadence par laquelle il devra faire ses pas. C'est juste ma position. Je sais que ce n'est pas aussi aisé, comme je l'avais dit tantôt, mais c'est une contrainte qu'il faudra absolument surmonter, faute de quoi le fonctionnaire de l'État lui-même va en pâtir. Et si le fonctionnaire de l'État en pâtit, c'est également sa famille, mais c'est aussi l'État. Donc, il y a de deux côtés ce que l'un doit faire et ce que l'autre doit faire concomitamment. Voilà, c'est honnêtement interdépendant. Oui. Vous disiez tout à l'heure que le chef de l'État avait suggéré la diminution des intérêts sur les prêts à la banque, mais une chose qui n'a pas été faite jusqu'à aujourd'hui. Je n'en ferai pas beaucoup de commentaires, d'autant plus que je connais qu'il y a toujours des procédures qui, des fois, sont mises en œuvre. Et lorsque la procédure est mise en œuvre et que le résultat final n'est pas, par exemple, encore perceptible, il y a risque de croire que rien n'est en train de le faire. C'est dans ce contexte que je me limiterai des commentaires à ce propos. Sinon, ça serait extrêmement intéressant. Et moi, naturellement, je garde espoir, je suis confiant, ça pourrait ne pas être aujourd'hui, demain, le lendemain ou le surlendemain. Bien sûr que une personne pourrait me demander si ce n'est pas aujourd'hui ou demain. Cette situation viendra me sauver lorsque je serai englouti dans un trou quelconque, je ne sais pas. C'est pourquoi je dis que toute personne doit lutter. Le ministère de la fonction publique donc tranquillise. Le ministère de la fonction publique dit au personnel de l'État que l'État est un parent. Et un parent qui aime ses enfants, mais qui, des fois, les moyens sont limités. Et si les moyens sont limités, si vous connaissez que les moyens du papa sont limités, alors vous vous entraidez. Il y a ce que le papa va faire, et puis il y a ce que vous serez contraint de faire. Mmh. Et c'est tout. Alors, ne faudra pas, si vous êtes un enfant majeur, en vouloir complètement votre papa et refuser votre responsabilité. Les responsabilités seront partagées. Heureusement, ce n'est pas le cas. Avant que l'enfant soit laborieux, le papa doit être le premier à être laborieux. Je ne sais pas s'il faudra que nous ne soyons pas laborieux, alors que nous sommes suffisamment intellectuels, alors que nous avons eu la chance d'être embauchés, parce que ce n'est pas une chance de tout le monde. Il faudra aussi le comprendre. Oui. Si vous saviez combien de gens auraient aimé être fonctionnaires de l'État, mais qui n'ont pas encore cette chance, je pense que c'est mieux d'abord de remercier l'État ou le bon Dieu d'avoir eu ce job que nous ne sommes pas en train de croire comme suffisant, eu égard au niveau de salaire, mais quand même, c'est un pas. Merci beaucoup, Célestin Saviman de la Kosibou. Les prix des produits de première nécessité ne cessent de grimper. Il y a un appel très récent du chef de l'État au ministère du Commerce de réguler les prix, que la flambée est toujours là. Quelles sont les conséquences sur les familles? Oui, oui, vous avez parlé des ministères du Commerce qui devraient réguler les prix selon la demande du chef de l'État. Du chef de l'État. Oui. Mais, d'accord, c'est une bonne chose. Mais les prix, je pense qu'ils sont réglés par l'offre et la demande. L'équilibre entre l'offre et la demande. Lorsqu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, il y a des dérapages. Lorsqu'un produit manque, il doit y avoir des spéculations. On le voit maintenant. Oui. Le carburant, il manque. Il y a ceux qui achètent le carburant au marché noir. Noir. Le sucre, les produits bras-roudis. Moi, j'ai vu ce week-end quelqu'un qui vendait donc la Mustel, ni bien la Mustel, à 7000 francs. Et les gens se bousculaient. Et ils disaient merci à 7000 francs. Et qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai protesté. Vous avez constaté ce que vous avez fait. J'ai protesté. Je n'en prends pas la bière, là. Mais j'ai protesté. Je dis, ça, c'est du vol. Mais parfois aussi, les consommateurs sont ce que nous sommes, peut-être. Mais ce sont aussi les conséquences. Il aurait fallu plutôt directement dénoncer. C'est ce qui est citoyen. Il aurait fallu. Je vous donne l'adresse, vous allez fermer ce cabaret. Mais il faut donner l'adresse. Mais vous connaissez très bien que lorsque vous trouvez quelqu'un qui monte les prix des produits qui sont régulés, quand même, vous connaissez à qui vous adressez. Moi, non, lui, non. Celui qui vend ne vend pas officiellement. Je pense que c'est un exemple. C'est un exemple que je te donne. Pas nous prendre beaucoup mais plus le carburant. Mais... Vous voulez faire peut-être un prêtre qui vient d'Europe. Est-ce que tu ne sais pas qu'on va acheter du carburant vers Nyamitanga? Vous ne connaissez pas. Mais il ne faut pas faire le prêtre qui vient directement de Roumanie ou je ne sais pas, de Pologne. Mais un prêtre catholique qui est très, très, disons, trop orthodoxe, je dirais. Mais donc, les gens connaissent la réalité. Ils passent à côté de la réalité. Il y a des pénuries. Où on opère. On va, c'est là, pas avec ça. Un mindset change. Oui, c'est, oui, ce c'est comme demander. Ça qu'on te montre le tableau. Mais je vous comprends que vous contestez le tableau. Mais donner son 1,5 million déjà aux fonctionnaires, plaider pour que ces fonctionnaires aient le 1,5 million. Mais c'est ça va aussi dégringoler, c'est ce que je vous ai dit. Alors, tout ça, alors je réponds peut-être avant, à la question. Avant que oui, à la question. Le ministère du Commerce, oui, le ministère du Commerce, c'est bon, c'était recommandation du chef de l'État. Mais c'est même, il y avait des commissions, je l'avais dit avant, il y a des commissions au niveau de la mairie, par exemple, qu'on a mis en place, je crois, où il y a des forces de l'ordre, des représentants de l'administration, pour essayer de contrôler les prix des produits, notamment bras-roudis, du sucre, du quoi, pour les faire respecter. Mais on voit dans la pratique que ce n'est pas respecté. Les gens échappent à ça. Pour peut-être remédier à tout ça, il faut que les produits soient disponibles. Dans notre déclaration même, on parle qu'il faut disponibiliser les produits. Alors comment les disponibiliser? C'est tout un processus. Il faut qu'il y ait du carburant, il faut qu'il y ait du sucre, il faut que la bras-roudis produise beaucoup de ces produits, donc de qu'elle fabrique. Il faut augmenter la production agricole, comme dit M. le porte-parole. Il faut peut-être importer les médicaments à bas prix. Il faut que le dollar baisse. Donc le taux du dollar par rapport au taux du la parité dollar donc entre le dollar et le franc. Et le franc. Oui, puisque on dit que le dollar à la banque c'est 2980, mais monsieur le porte-parole va à la banque mais chercher des dollars. On te donne on pas. On te donne pas. Ils vont te dire, va au marché noir, va acheter un ticket d'avion, par exemple. Ce sont des privilégiés, disons, ceux qui voyagent. Bon, mais parfois, c'est nécessaire de voyager. Va acheter un ticket d'avion. Ils vont te demander des dollars ou des euros. Personne ne vous accueille avec les francs. Ça, ce sont des exemples qui... Alors, c'est ce différentiel entre le marché noir et le taux officiel qui fait aussi... Il y a une des causes principales de la montée des prix, notamment les produits importés. Puisqu'il y a beaucoup d'importateurs qui disent « Moi, j'ai payé les dollars, moi, j'ai payé les devises à la banque, à sa banque commerciale. » Lui, dit, il dit « Alors, il monte les prix, il en fait même un prétexte pour monter les prix d'une façon exponentielle. » Donc, ce sont tout ça, ce sont des questions qu'il faut voir, qu'il faut... Justement, j'entends qu'au niveau du ministère du Commerce, on est à l'œuvre. Attendons et voir si ça peut aider à faire baisser les prix. Ça serait une bonne chose. Maintenant, les prix sont intenables. Moi, je passais pour acheter la semaine passée un petit nid de 250 grammes. Il y a 6 mois, non, il y a une année, je vais être. C'était à 26 000 francs. Maintenant, on dit 62 000 francs. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ça, ce sont des prix hors contrôle. Voilà, je m'en arrête. Donc la vie devient de plus en plus difficile. De plus en plus difficile et chère. Mmh. Et les raisons, je pense que, excusez-moi, messieurs les journalistes, oui. De toute façon, à considérer ses propos, il a dit tout ce qu'il a dit. Hein, ça encadre un sermon que j'ai toujours dit, et la production. Il dit le dollar. Le dollar, c'est la production, balance commerciale. Mais c'est aussi théorique ce que vous dites. Ce n'est pas théorique. Vous voulez les dollars, le dollar vient d'où? Mais la production... Le dollar, ça vient de l'étranger. Et ça vient de l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on est allé vendre quelque chose à l'étranger. Ça, on comprend. Je pense que le problème que nous avons maintenant... Finish, c'est la production, le problème que nous avons maintenant... Et ça nous regarde tous. Le problème que nous avons maintenant, c'est de quitter justement la parole, mais passons à l'acte, la théorie. Et qui va le faire? C'est seulement l'État? C'est toi, c'est moi. Ah, d'accord. Alors, nous sommes dans les dernières minutes. On commence par Célestin Sadiman. Qu'est-ce qui doit être fait? Vous avez mené une enquête et pour y parvenir, mais pour trouver des solutions, qu'est-ce qui doit être fait? Bon, dans notre déclaration, nous avons proposé toute une série. Une série de propositions, je dirais. Mais toutes ces propositions doivent être discutées. Nous, au niveau, tu vois, le monde du travail, monsieur le porte-parole connaît, c'est le dialogue. Apparemment, il n'y a pas de dialogue si ces conditions de travail, notamment si... Alors, nous avons proposé qu'il y ait un dialogue, je dirais même national, sur les conditions économiques et sociales actuelles. Alors, ce dialogue doit être mené au haut niveau. Même ce qu'on propose, que le ministère du Commerce fasse quelque chose, ça doit être discuté. Le ministère doit recevoir des idées. Ils ont reçu l'injonction de monsieur le président de la République. C'est une bonne chose, mais ça doit être discuté. Alors nous avons dit au niveau du monde du travail, il y a des cadres de dialogue. Nous avons par exemple le Comité national de dialogue social. Il y a les trois partenaires. Le gouvernement a des représentants, les travailleurs, les employés des représentants. Mais il y a un problème, et je l'ai déjà signalé. Au niveau du gouvernement, ceux qui viennent dans ce dialogue ne sont pas ceux qui sont des décideurs. Par exemple, au niveau du Comité national de dialogue social, on avait déjà effleuré ce genre de questions. Nous, il y a des revendications qu'on discute. Mais on demandait l'avenir des ministres, comme le ministre des Finances, le ministre et à la fonction publique, dans ses attributions. Lui, il n'y a pas de problème puisqu'il assure le titre de ce cadre de dialogue. Le ministère de la Santé, on demandait, madame la ministre de la Santé, de la lutte contre le sida, madame la ministre de la Protection sociale, dans ses attributions, le ministre de l'Éducation, tous ces messieurs, madame les ministres, ce sont des décideurs. Mais parfois, ils ne viennent pas au dialogue. Qu'il y ait un dialogue social où les décideurs viennent et donnent une réponse. tout ne peut pas se faire en une fois, mais il y a toujours des étapes, des discussions. Progressivement, on peut trouver des solutions, même ces politiques économiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour que les consommateurs burundais puissent pousser nous de soulagement. Noël Nkurunziza, qu'est-ce qui doit être fait et qui doit le faire? Bon, je pense que dans la situation actuelle, il y a des mesures qui peuvent être prises dans l'urgence et d'autres qui peuvent être prises dans le moyen et long terme. Alors, la première chose, il faut parvenir à contrôler les prix. Parce que, comme on le disait, il y a des prix qui sont déjà fixés et connus, mais qui ne sont pas respectés. Et nous soutenons l'appel lancé par son Excellence Président de la République pour que le ministère du Commerce, finalement, entre dans le jeu pour essayer de mettre des références pour les prix. Mais cela ne suffit pas. C'est pour lequel nous disons qu'il faut prendre des mesures d'approvisionner le marché. Il y a flambé de prix parce que les produits rendus sur le marché, la quantité est faible, alors que la demande croît. Ça, il faut alors que justement le gouvernement puisse prendre des mesures d'approvisionner le marché pour équilibrer l'offre et la demande. Mais alors, dans le moyen et long terme, nous pensons qu'il faut prendre des mesures incitatives pour qu'il y ait la production suffisante. La plupart des denrées de première nécessité sont produites ici, dans notre pays. Et je pense qu'il y a des mesures qui peuvent être prises et qui puissent finalement permettre à ce que la production augmente. C'est notamment l'accessibilité au crédit, des facilités d'accéder au crédit. Il y a l'encadrement des producteurs ou l'encadrement même des artisans pour que finalement le moteur économique puisse marcher. Mais aussi, il faut qu'il y ait un encadrement. Je dis bien un encadrement technique, que ce soit au niveau agricole ou même au niveau des artisans, qui soit plus visible et accentué comme on le voit aujourd'hui. Et je pense que dans le moyen ou au long terme, on pourra parvenir finalement à équilibrer l'offre et la demande sur le marché. Et éventuellement aussi, avoir à exporter, parce qu'il y a des programmes qui sont là, mais il faut que ça soit réalisé sur le terrain, pour que notre monnaie reprenne sa valeur et la devise ne soit plus finalement un rêve ici, c'est devenu un rêve d'y penser. Voilà. Merci beaucoup. Patrice Magnus Nyandri, porte-parole du ministère de la fonction publique. La situation devient de plus en plus compliquée. Comment est-ce que le gouvernement, à travers le ministère de la fonction publique, vous comptez tranquilliser le fonctionnaire? Est-ce que le Burundi peut s'attendre à un éventuel changement? Merci beaucoup de cette question. Avant que je ne la réponde, je voudrais revenir sur la proposition que j'accepte aussi à 100% du président de la Confédération des syndicats du Burundi, M. Célestin, qui proposait d'abord le dialogue social. Les états généraux. Avec tout ce qui est corollaire au dialogue social. Oui. Mais je voulais aussi l'inviter à ne pas seulement parler du dialogue social, ne pas en faire un slogan, mais aussi d'être dans cette cadence. C'est pourquoi je le dis. Vous voyez ce qu'il a ici, le palier du ménager, ce qu'il a proposé. Il y a aussi des propositions. Oui. Lorsque moi j'ai entendu parler de ça, je croyais honnêtement que c'était quelque chose de tract. J'ai discuté avec les gens, j'ai dit non, il ne faut pas me parler de tract. Vous savez pourquoi je disais ne faut pas vous parler d'autres actes, c'est que je savais que pour les comptes de l'État, j'étais le responsable numéro un qui parle avec les syndicalistes. Parce que je suis en charge des relations professionnelles. Comme que je suis directeur de l'administration du travail et des relations professionnelles. Donc, je suis la première personne à parler, à dialoguer directement avec les syndicalistes. Mais on a donné une copie à votre ministre. J'aurais écrit que lorsqu'il dressait ça, même si c'est le droit le plus inaliénable, il m'aurait au moins demandé certaines idées. Pourquoi ? Non pas parce qu'ils sont obligés, non, mais parce que ce sont des collaborateurs, des partenaires directs. Oui. Alors lorsque j'ai entendu parler de ça, vous savez que le ministre ne me donne pas rapport, c'est mon boss. Donner une copie. C'est mon boss, c'est mon chef. Alors, je ne reste... a écrit même à son Excellence le président de la République. Lui, donc, ce n'est pas un tract. C'est discrétionnel. Les médias en ont parlé. Il va me partager parce qu'il les trouve nécessaires. S'il ne le trouve pas nécessaire. Il vous demande de rester avec ce document. Ce n'est pas trop tard. Garder le document, ce n'est pas tard. Ça laisse d'actualité. Les prix sont là. Non, j'ai parlé d'abord de garder la copie. Garder oui. Dialogue. Ça, c'est un... Donc, je pense que vraiment, si vous parlez de dialogue... Garder la copie, vous donnez à votre ministre. Même s'il a une copie officielle. De moindre degré ou de niveau par rapport à ce dialogue. Ça, non, c'était entre parenthèses. Oui. Alors la question qui m'est posée, c'est celle-ci. La vie devient de plus en plus compliquée en observant la réalité que nous trouvons sur le terrain. Qu'est-ce que l'État propose? Qu'est-ce que le ministère pourra mettre en œuvre pour quand même tenter de changer ou de faire évoluer, pas de mal en pis, mais de manière positive à la vie d'un fonctionnaire public. Je dis ceci, que l'État est prêt. Je ne suis pas le porte-parole de l'État, mais je sais parce que je fais aussi beaucoup de réunions avec les autres responsables. Je connais que l'État est prêt à faire tout le mieux pour relever la vie du fonctionnaire de l'État. Mais je dois aussi ajouter, comme je venais de le dire dans mon premier mot, je ne sais pas si je vais l'appeler liminaire, que tout dépendra de la production. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider l'État, nous les fonctionnaires? Parce que nous aussi, nous avons à aider l'État. La première chose, ça c'est selon moi, c'est baliser de sorte que aucun fonds qui devrait entrer dans les caisses de l'État ne soit dilapidé par personne. Que nous, personnellement, nous ne le fassions pas, mais aussi que nous dénoncions toutes les personnes qui le font. Je le dis pourquoi? Parce que tous ces fonds qui passent à côté, si jamais ils entraient dans les caisses de l'État, serviraient quand même de quelque chose. Deuxièmement, il faudrait augmenter la production. Troisièmement, il faudrait aussi que l'on s'organise de sorte que nous appuyions le salaire le peu que l'État nous donne parce que c'est ce qui est en ses moyens. Voilà. Mais revoir aussi les salaires à la hausse. Oui, mais j'ai accepté revoir le salaire à la hausse. Et demi, il faut que les possibilités soient là. Voilà, vous comprenez. C'est une condition sine qua non. Je suis très d'accord. Pour que les conditions soient à la hauteur, soient meilleures pour que l'État augmente, il y a la volonté de l'État. Mais il y a aussi notre apport parce que nous faisons partie des éléments qui augmentent la production. Oui, merci beaucoup. C'est sur ces appels, ces contributions et ces promesses que se referme ce débat qui portait sur la détérioration des conditions de vie des travailleurs qui font aujourd'hui face à la vie chère suite à la flambée des prix des produits de première nécessité. J'étais autour de ce plateau avec Patrice Magnus-Nyandoui, porte-parole du ministère de la fonction publique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi de m'avoir invité et je vous informe que même si demain le lendemain, vous m'appelez encore une fois, je répondrai à votre appel. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette promesse. J'étais aussi avec Célestin Savzimana, président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu. Merci d'être venu à l'émission Mosaïque. Merci beaucoup. À tout moment, on répondra à votre appel qui aussi, vous aussi, vous êtes des travailleurs, répond aussi aux préoccupations des travailleurs et des travailleuses. J'étais également avec Noël Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole de l'Association des consommateurs du Burundi à Buko. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour m'avoir invité dans cette émission. où on échange justement sur la cherté de la vie qui concerne justement tous les consommateurs que nous sommes. Et je promets aussi que pour la prochaine fois que vous mettiez, je serai présent. J'étais également avec Eric Ouimana et Jérôme Ndayishimiye à la cabine technique, à la réalisation. J'étais avec Médard Niunguru et à l'animation de ce débat. Vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Passez un moment agréable avec les émissions de la radio-télévision Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.